Thank you.

Des endroits sombres. Allez, allez, alors. Allons. Alors, dans des recoins cachés. Allez, allons, allons ensemble. Toi et moi, allez, allons dans des recoins. Des muqueuses. Allez, allez, allons-y. Gaiement. Les recoins de la terre. Ces endroits à l'ombre, éphémères. Furtivement hors système. Furtivement hors. En dehors de la zone du dehors, allez, allons, allez, allons, allons-y, allons-y gaiement, allez, allons, allons-y gaiement, allez, allons-y gaiement. Vers le consentement. Alors on danse.